décembre que j'ai dû voir le jour. Au milieu des choux et de décembre, je m'en souviens toujours. Debout dans une belle vitrine d'un très grand magasin, entre un Pierrot et sa colombine, je n'y comprenais rien. Moi qui ne suis qu'une poupée de plastique et de chiffon, on me bascule. Il y en a un qui me dévisage et ressemble à l'amour. Je voudrais traverser la vitrine pour le suivre toujours. Loin des voitures, des trains électriques qui tournent nuit et jour. Moi qui ne suis qu'une poupée de plastique et de chiffon, on me bascule et mes yeux tournent en rond. Moi qui ne suis qu'une poupée de dentelle et de chanson, les petites filles et tous les petits garçons. J'achète pour de bon. Moi qui ne suis qu'une poupée de plastique et de chiffon, on me bascule et mes yeux tournent en rond. Moi qui ne suis qu'une poupée de dentelle et de chanson, je voudrais que l'on m'achète pour de bon. Moi qui ne suis qu'une poupée de plastique et de chiffon, on me bascule et mes yeux tournent en rond. Moi qui ne suis qu'une poupée de dentelle et de chanson, je voudrais on m'achète pour de bon. Moi qui ne suis qu'une poupée de plastique et de chiffon, on me bascule et mes yeux tournent en rond. Moi qui ne suis qu'une poupée de dentelle et de chanson, je voudrais que l'on m'achète pour de bon. Moi qui ne suis qu'une poupée de plastique et de chiffon, on me bascule et mes yeux tournent en rond. Je voudrais que l'on m'achète.